Grosse compétition de tennis en fin de semaine à Vincennes, c'est le Challenge Banque National. On en parle avec notre amie Caroline Deslignes, notre collaboratrice. Salut Caroline! Oui, bonjour. Caroline, sur l'échiquier du tennis canadien, il y a évidemment la Coupe Rogers, il y a les, il y a le celui de Québec, le Challenge Banque National, c'est le mec que ça s'appelle? La Coupe Coupe Banque Banque Nationale, oui. Nationale. Et c'est situé à quel niveau? Parce que je sais que pour avoir parlé à Charlotte Robillard-Millette et Alexandra Wozniak, il y a Winnipeg, il y a Toronto, je pense qu'il y en a à Vancouver. Est-ce que ça tourne. Granby Ouais, mais aussi, c'est oui, junior. Ça, on est dans c'est. les mêmes gammes de Ouais, mais tournoi. Granby, c'est junior. C'est pas. C'est. Non. Granby, non, Ah. c'est eux autres, c'est hommes et Ah. femmes, c'est 50 000 comme nous, là. Donc, c'est ça, c'est un tournoi à l'extérieur durant l'été, là, mais ils ont les hommes et les femmes, eux autres. OK. Donc, puis là, cette année, la bourse a grossi. Avant, c'était un 25 000 total en OK. bourse, et là, maintenant, c'est un 50 000 comme nous, là. Donc, c'est ça, c'est un gros tournoi aussi, là. C'est ça, effectivement. Il y en a quelques-uns, là, OK. au Québec puis au OK. Canada, là, des tournois de cette envergure-là. Et puis, mais on est quand même dans les 5-6 plus gros tournois, là, au Canada, là. Donc, c'est quand même bien. OK. Donc, c'est une Américaine, je pense, qui va être numéro un, c'est ça? Non, c'est ben en réalité c'est une Ah, Suisse, c'est Romina OK. Ouprainé qui est la première OK. favorite, mais c'est une Américaine qui est deuxième, là, Jessica OK. Pegula. Là, malheureusement, bon, on a su hier le retrait de Catherine Bélis, une Américaine de 16 ans là, qui est quand même qui a déjà gagné 3 tournois ITF là, dans la dernière année. Fait que malheureusement, en raison de blessures, elle s'est désistée. Mais écoutez, ça donne la chance à d'autres de pouvoir aller dans le tableau principal, là, dont une Canadienne, Carole Zhao, qui va pouvoir comme accéder au tableau principal grâce au retrait de Catherine OK. Bellis. Et puis, évidemment, ben, il y a quand même beaucoup de Québécoises et Canadiennes aussi là, qui seront à l'œuvre, là. Fait que ça va être intéressant de pouvoir voir jusqu'où ils vont pouvoir se rendre dans le Et tableau principal. évidemment, il y a celle que. Il y a Charlotte Robillard-Millette qui va être là. J'y ai parlé, elle qui a connu une très belle année. Alexandra Wozniak qui tente de revenir d'une blessure. Et également, est-ce que Françoise Abanda va être là aussi? Oui, Françoise Abanda est censée être là aussi. Écoutez, on a Marie-Alexandre Dubé Ouais. qui a droit à un laissez-passer. Alexandra Wozniak aussi là, qui va faire partie des têtes d'affiche durant la semaine du Challenger. Donc c'est ça devrait. C'est sûr, Charlotte en plus, elle est quand même 7e au monde junior, là. Fait que c'est certain que les gens vont avoir hâte de l'avoir à l'œuvre. Elle a fait la finale à Repentigny. Ce qui est très bien. Donc, c'est ça, on a bien hâte de voir les Québécoises et les Canadiennes à OK. l'œuvre, là. Est-ce que, Caroline, est-ce que, ça, par le passé, il y en a eu plusieurs, là, des athlètes qui sont venus ici, qui prennent de l'expérience, puis ont remporté. Eugénie Bouchard a déjà été. À part Eugénie, quelle a été la plus grande joueuse de tennis qui a atteint les sommets mondiaux, puis qui ont joué ici à Saguenay? Ah, ben, il y en a quand même plusieurs, Ouais. hein. Si on se rappelle, les deux premières éditions avaient été remportées par Angelique Ah, OK. Kerber, Ouais. une Allemande, là, qui se maintient souvent dans les top 10 au monde. Il y a eu Sabine Nizicki aussi, là, qui est souvent dans les 20 meilleurs au monde. Écoutez, Sibulkova est venue ici aussi. Elle a été top 10 là, pendant longtemps. Fait que si on fait le tour, là, il y en a quand même plusieurs. Il y a Madison Ah, OK, Keys, là, qui avait ouais. justement battu Eugénie Bouchard, qui est présentement, je crois, 16e. 16e ou 18e. Donc, fait qu'écoutez, c'est certain que les gens qui viennent voir le Challenger ici, après ça, ils s'amusent justement à suivre ces joueuses-là sur le circuit. Puis, souvent, ça en parle, hein. Donc, les gens sont contents de voir que nos joueuses qui ont passé ici à Saguenay sont maintenant, là, t'sais, bien classées. Puis, fait quand on regarde les tournois du Grand Chelem, il y en a plusieurs là, qui ont passé ici, là. Souvent, quand on se met à les compter, là, autant dans le tableau des qualifications que dans le tableau principal, on peut retrouver facilement là, 20, 25, 30 joueuses. Là, OK. Ça donne donc c'est bien. Comment? combien de points à WTA, la gagnante? La gagnante, écoutez, ça peut donner. Je sais que ça a OK. changé. Je pense que la gagnante, maintenant, c'est 80 OK. points. Pour la gagnante, la finaliste 48. Ah, OK. Donc, c'est sûr que c'est quand même des précieux points là, justement au classement. Puis, ça permet là, à ces joueuses-là justement d'accéder à des plus grands circuits, là, des plus grands tournois. Donc c'est quand même un assez bon tournoi là. Tu sais, c'est on peut dire que c'est comme les ligues majeures, ligues mineures. Puis je veux dire c'est le tremplin hein, pour justement aller vers les plus grands circuits. Mais il faut quand même que réaliser qu'il y a des joueurs qui sont très bien classés qui jouent dans des tournois comme ça ITF, soit parce qu'ils reviennent d'une blessure, soit parce qu'ils veulent regagner en confiance, soit parce qu'ils ont besoin de jouer des matchs justement ou puis le calibre est très très bon hein. Je veux dire, si on se compare avec d'autres tournois qui sont plus gros, il n'y a pas des plus grosses différences que ça là, à part le classement. Mais comme on a beaucoup de jeunes, des jeunes prospects, ben il faut dire que les autres sont pas encore super bien classés. Mais ça veut pas dire que le calibre de jeu est inférieur tant que ça. Donc c'est sûr, faut quand même commencer par le début. Hein. Fait que dans ces tournois-là, les plus petits tournois, c'est les tournois de 10 000 de bourse, les tournois ETF. Ensuite, tu as 25 000 de bourse. Et nous, c'est un 50 000. Après ça, tu as 75 000, 100 000. Et puis après ça, quand ça excède 100 000 $ de bourse, là, tu tombes plus dans les tournois de la WTA. Ouais. Là. Donc, donc c'est ça. Mais écoutez, c'est quand même plaisant là, de pouvoir justement observer ces jeunes joueuses-là. Ouais. En fait, on devrait avoir encore une belle. En fait, c'est un peu comme au hockey. On dit tout le temps que le joueur de troisième, quatrième trio dans la Ligue nationale et le premier joueur de premier trio dans la Ligue américaine, il n'y a quasiment pas de différence. C'est un peu la même affaire. Je dirais, entre la 300e joueuse et la 50e joueuse, il n'y a peut-être pas une si grosse différence que ça non plus. Là. Je te parle du classement WT. Non, c'est ça. Non, exactement. Je veux dire, il n'y a pas de grosse différence dans le sens que, tu sais, c'est ça, des fois, c'est l'âge, c'est l'expérience, tout ça, là, mais je peux dire, écoutez, c'est pour ça qu'à un moment donné, tu sais, les gens disent, ah, Eugénie, elle perd contre une fille classée moins bonne qu'elle, mais tu sais, rendu là, il n'y a pas des si grosses différences. Faut que tu gagnes tes matchs, tu sais, des fois, tu peux être chanceux aussi. Si tu remportes des matchs, peut-être que tu n'aurais peut-être pas dû gagner. Puis d'un côté, tu peux en perdre aussi parce que, bon, l'autre joueuse est meilleure cette journée-là. Fait que c'est sûr que quand tu joues sur le circuit, c'est comme au hockey ou dans n'importe quel sport. Quand tu joues contre, c'est sûr, une équipe qui est moins bonne que toi, puis t'es, tu sais, sur papier, t'es censé être meilleur. Ça veut pas dire tout le temps que ça va se passer comme ça. Là. Faut que les joueurs se présentent sur le terrain, puis ou sur la glace ou ailleurs. Puis faut donner son 100%. Puis après ça, ben on sait pas hein, qu'est-ce qui peut arriver. C'est sûr qu'on espère avoir des matchs quand même assez serrés parce que ça donne droit à du bon jeu, puis les gens sont prêts de l'action, donc c'est sûr que c'est ce que les gens aiment aussi. Fait que on va espérer. Caroline, est-ce que ce serait possible qu'il y aurait un tournoi des hommes aussi qui pourrait s'organiser? Ça me surprendrait, ça pourrait être possible, mais c'est sûr qu'on a quand même des infrastructures. Pas pour le hockey. Qui font que pour le tennis masculin, ce serait peut-être plus compliqué parce que normalement, on est censé avoir 21 pieds. Okay. 21 pieds d'espace là, en arrière de la ligne de fond. Puis nous, on l'a pas tout à fait okay. là, okay. ce 21 pieds-là pour les femmes. Puis les hommes frappent plus fort, servent plus fort. Fait que je pense qu'on manquerait peut-être un petit peu de profondeur de terrain là, à ce moment-là. Mais ça pourrait peut-être s'organiser à l'extérieur ou un peu comme ça, là, sur des terrains extérieurs éventuellement. Plus l'été. C'est notre 10e édition. Fait que là, on espère pouvoir garder le tournoi encore pendant quelques années, évidemment. Ouais. Parce qu'il y en a déjà eu, hein. La fois, dans l'entrevue de la fête du tennis, tu l'as mentionné, ça a déjà arrivé, là, des tournois masculins à Ville-Saguenay, là. Oui, c'est déjà arrivé, oui, on a déjà eu la Coupe Davis, la Coupe Alliance, tout ça, des beaux circuits, mais encore là, ces tournois-là souvent avaient lieu à l'extérieur, donc c'est sûr, là, ça prend quand même des bonnes infrastructures, puis maintenant, les normes sont encore un petit peu plus sévères qu'il y a plusieurs années, fait qu'il faut répondre à ces critères-là, là, sinon ça ne nous donnera pas droit à tenir ces événements. Avec Caroline, on ne s'est pas parlé depuis la fête du tennis, j'ai lu dans les journaux, ça a bien été, t'as été honorée, bravo, évidemment, t'es une pionnière du tennis dans la région, mais est-ce que vous êtes contente vraiment de la tournée de cette fin de semaine-là? Oui, ça a super bien été. Écoutez, les gens ont répondu en grand nombre. On a eu près de 500 personnes qui se sont déplacées puis présentées là, donc lors de cette soirée-là. Fait que ça a été vraiment magique là, de pouvoir parler, discuter, voir des gens là, que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. Il y a des gens de Québec, de Montréal, d'un peu partout qui sont venus. Toute la région de Saguenay-Saint-Jean, Dolbeau, Alma, aller jusqu'à la baie. et ainsi de suite. Tout le monde était bien représenté, et puis ça a été une belle fête, là, vraiment une belle réussite. Donc oui, tout le monde était très, très satisfait de ça. Ben, Caroline, on s'en reparle pas lundi ici, mais l'autre, pour parler de la conclusion de ce Challenge Bank National-là. Donc on invite les gens, ça commence samedi, il en coûte combien, puis comment ça fonctionne? J'imagine qu'on a les moyens, on peut s'acheter une passe. Comment ça fonctionne en fait? Oui, bien, aller jusqu'à mardi, c'est gratuit. Okay. Donc, toutes les qualifications et tout ça, c'est gratuit. Après ça, bon, on a des passeports en vente, justement, au coût de 20 $ en pré-vente. Puis après ça, ça va changer, ça va être à 25 $ à partir de mardi. Okay. Donc, on incite les gens à acheter leur passeport peut-être avant cette journée-là. Comme ça, ils vont pouvoir profiter là, du petit rabais de 5 $. Et puis, c'est vraiment pas cher hein, pour voir du bon tennis là, pendant toute une semaine. Donc, c'est sûr que ça peut être une belle activité là, familiale ou quoi que ce soit là, à faire. Il y a des matchs à tous les jours. Il y a des matchs de jour. Il y a des sessions de soir aussi. Et puis, ça, ce passeport-là, ben, ça inclut aussi les matchs de fin de semaine prochaine, là, qui seront les demi-finales et les finales. Okay. Charlotte Robillard-Millette et Françoise Abanda et Marie-Alexandre Duclos. C'est sûr qu'il y a la tête d'affiche, mais on la connaît moins, mais c'est les trois, et Alexandra Wozniak aussi. Quand est-ce qu'ils vont entrer en action? Est-ce que tu peux nous les dire? Ou t'as pas l'horaire devant toi? Non, c'est ça, on n'a pas encore l'horaire. Là, écoutez, demain, ils vont faire le tableau des qualifications. Après ça, le tableau principal, ça va se faire plus dans la journée de du lundi ou du dimanche, je devrais dire en fin de journée. Ils vont faire le tirage officiel. Et puis, suite à ça, ben là, on va savoir un petit peu plus les horaires. Mais tant que le tableau n'est pas sorti, on peut pas savoir qui va jouer quand. C'est sûr qu'on espère pouvoir peut-être les faire jouer de soir le plus possible parce qu'on veut attirer quand même beaucoup de plus de spectateurs, mais écoutez, on a quand même une belle brochette de joueuses, fait qu'on espère que la population va répondre en nombre là, pour venir les encourager. OK. Ben Caroline, on s'en reparle lundi dans une dizaine de jours. Bon, mais parfait, merci. Caroline Deline, notre spécialiste de tennis.